France Impro. Ça donne chaud. Bonjour, bonjour, bonjour sur France Impro. Vous êtes sur FMR 89.1. Bon, eh bien, bienvenue ce samedi matin pour notre mensuel de France Impro. Aujourd'hui, dans le studio, nous avons Charlène Moura et Eddy Boubacar qui vont nous parler d'improvisation, de leurs projets et qui vont nous faire écouter de la super musique. Bonjour les gars. Alors attendez, j'allume vos micros. Hop, normalement c'est bon, dites-moi. Bonjour, bonjour. Et bonjour. Voilà. Alors maintenant, je coupe le jingle. Ah voilà. C'est bon. Alors, il va falloir être patient avec moi parce que je suis tout seul aujourd'hui. Donc moi, c'est Dominique Eo. Je suis tout seul aujourd'hui à la technique et un petit peu à l'animation, même si je compte beaucoup sur mes amis pour pas avoir tellement besoin d'animation parce qu'ils ont plein de choses à dire. Et la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 15 ans, donc ça commence à dater, et puis le matériel ne ressemble plus du tout, et c'était une autre radio, et voilà. Donc soyez indulgents, merci beaucoup. Bon, bienvenue Eddy, bienvenue Charlène. Merci. Merci. Alors, si vous voulez, on va commencer à discuter de vos projets. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Qu'est-ce que j'ai préparé? Alors, je n'ai pas préparé grand-chose, en fait. J'ai amené... quelques enregistrements des choses en cours, des trucs qui sont en préparation, des trucs qui vont sortir, qui sont sortis. Il y a pas mal de d'enregistrements qui vont sortir là, ces derniers temps. Et puis c'est tout. Et puis après on va improviser. Ok, oui, ça me paraît très bien. Alors qu'est-ce que on peut commencer par écouter quelque chose pour se mettre dans l'ambiance? Ouais, je sais pas, un truc qui va nous filer un peu la pêche, quoi. The End par exemple. The End. Alors on commence par la fin, quoi. Ben, ça me paraît très bien. Alors parle-nous un peu de The End. Alors The End, c'est un trio de, disons qu'avec une esthétique, une énergie, une approche un peu rock, disons très free quand même, assez psychédélique, etc. Avec Mathieu Verchowski au violon. Et Fabien Discombe à la batterie, et donc moi-même à la basse électrique. Et j'utilise aussi un petit synthé monotron. Voilà, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop. Qu'est-ce que j'ai amené comme morceau? Alors, tu as deux morceaux là. Tu as dit un, t'as Last Blues. Non, Last Blues, c'est le... Voilà, tu as Bayou et Extreme Manage. D'accord. Final Tour. En fait, c'est deux morceaux sur un disque qui va sortir sur Gaffer Records le 15. Enfin, c'est sur le Gaffer Record numérique, c'est pas en physique. Le 15 décembre. 15 décembre, ouais. Donc voilà, je sais pas combien on est, mais c'est un peu en avance. D'accord, on est le 13 décembre, voilà, on est le 13. C'est l'actualité shot. Donc voilà, donc, dans deux jours, Gaffer Record va sortir ce truc-là. D'accord. Vous allez pouvoir l'écouter en avant-première. Okay. Ouais, extraordinaire. Donc je pense qu'on peut commencer par un truc qui va dépoter à fond. Là, on prend pas Bayou, l'autre. D'accord. Extreme Manège, donc pour s'en foutre plein la gueule. Très bien. Et quand ça sortira, ce sera disponible où? Où est-ce qu'on pourra l'écouter? Sur le site de Gaffer Records. Ok, très bien. Eh bien, allons-y pour Extreme Manège par The End. We'll be right back. Et voilà, c'était The End par Eddie Boubacar ici présent. Alors Eddie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on vient d'écouter ? De ce qu'on vient d'écouter, c'est comme j'ai déjà dit, c'est un extrait d'un album qui s'appelle Last Blues qui va sortir dans 2 jours. Voilà, donc c'est du studio, c'est de l'impro. Voilà, donc c'est de l'improvisation. D'impro en studio. Ok, alors ouais. Qu'est-ce que tu entends exactement par improvisation ? Qu'est-ce que j'entends par improvisation ? Dans ce qu'on vient d'écouter, en fait, comment vous organisez ? Ben là, on branche les instruments et on se dit on joue. Et puis on joue. D'accord, il y a absolument zéro contrainte. Normalement, enfin moi dans le genre d'impro que je pratique, j'aime pas trop quand. Enfin, je préfère que voilà, on dit on joue, et puis avec les personnalités des gens, leur bagage, leur envie du moment, l'énergie du moment, etc. Et sur ce qui sort. Quoi. D'accord. Et donc après coup, vous prenez les pistes, vous sélectionnez, et vous donnez des noms. D'accord. Voilà. Donc juste pour nous donner une idée, là, pour arriver à un album, vous êtes passé sur combien de temps de bande ? On a enregistré, je crois, un après-midi ou un truc comme ça. D'accord. Et on a, je sais pas, 4 ou 5 morceaux. D'accord. Voilà. De 10 minutes à 3 minutes à 10 minutes. Ok. Voilà. Donc, après, ouais, y a des trucs à jeter. Enfin, voilà, c'est normal. Ok. Très bien. Donc, est-ce que tu parlerais d'impro libre pour ce qu'on vient d'écouter ? Ben, il y a plusieurs approches par rapport à l'impro libre. C'est justement pour ça que. Voilà, parce que bon, ça, on dit que c'est libre, on se branche, on dit, mais on a quand même une envie tous les trois de d'aller dans une certaine direction. Donc, on en parle. Donc, on a aussi on a des goûts communs par rapport à certaines choses, etc. On discute beaucoup. On commence à jouer, à avoir joué beaucoup. On sait plutôt dans quelle direction on veut aller avec ce groupe plutôt que dans d'autres, etc. Donc, du coup, c'est plus libre. Mais formellement, on ne se dit pas, voilà, on va jouer ça et ça. C'est un univers esthétique. Voilà, c'est plutôt un univers esthétique et des directions des communes qu'on veut prendre, qu'on sait qu'on veut prendre ensemble et d'autres qu'on ne veut pas prendre. C'est de l'autocensure, en fait. Donc, il n'y a jamais vraiment de liberté dans l'impro libre. Alors, par contre, moi, je pense que pas avec ces groupes-là, enfin, moi, il y a quand même une forme d'impro libre que je pratique, que j'aime bien pratiquer. Mais la liberté, pour moi, elle n'est pas dans les musiciens. Elle est dans les... C'est un peu compliqué à expliquer. Ah ben, on a tout le temps. Et puis, si tu n'es pas satisfait d'une définition, on pourrait même y revenir. Ben voilà, il y a cette liberté donc, que je pratique avec Zian, qui est avec des sous-entendus, des contraintes... je ne sais pas comment dire... Des choix en amont, je suppose. Des choix en amont, mais jamais très... clair. C'est pas clair, c'est pas. On se dit pas, voilà, on je sais pas comment l'expliquer, comment le dire, c'est pas. On marque pas sur le papier, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Après, c'est, voilà. On sait que tous les trois, on est dans ce truc-là, voilà. Et ça marche parce qu'on le sait, mais pas forcément qu'on. Enfin, voilà, des fois, ça fonctionne pas, donc. On travaille ce truc-là. Donc, il y a aussi, alors c'est une autre forme d'autres formes que je pratique plus en rencontre, par exemple. C'est pour moi la liberté, c'est la liberté des sons. C'est pas la liberté des instrumentistes, c'est la liberté des sons. Un peu dans le sens kaijien du terme où tous les sons sont égaux, etc. Voilà. Et l'idée de faire cette musique libre, c'est que aucun son n'a une prédominance par rapport à un autre. C'est-à-dire qu'on peut jouer un peu n'importe quoi, mais l'idée, c'est d'avoir... c'est un peu compliqué, j'arrive pas, j'ai du mal un peu à exprimer ça. J'arrive mieux par écrit. Il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, mais j'ai déjà écrit d'ailleurs ce genre de truc. Comment expliquer ça ? Oui, c'est ça. Parler d'une conscience de l'ensemble, en fait. Voilà, l'ensemble des sens qui font. Ouais. Et du coup, le musicien a moins de liberté. Je trouve que de jouer, la façon de jouer libre, avec des contraintes. C'est un peu antinomique, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. Quelque part, les musiciens sont au service des sons. Voilà, au service des sons. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais votre impro libre, c'est pas libre, etc. Non, je suis d'accord avec vous. Ce musicien n'est pas libre dans l'impro libre. C'est entièrement vrai, mais ce sont des sons qui sont libres. Du coup, par exemple, le fait de vouloir jouer dans l'impro libre des mélodies dans un style de machin ou des rythmes ou des trucs dans un style de quelque chose, eh ben il y a plus de liberté des sons. Mais le musicien, il a envie de sa liberté lui dirait, mais oui, mais moi j'ai envie de jouer un blues maintenant, je joue un blues parce que je suis libre. Eh ben non, parce que du coup, tes sons ne sont plus libres. T'as une hiérarchie, tu joues une gamme de blues, il y a une hiérarchie, toi, voilà. Tu joues, il y a des accords qui vont avec tel machin, du coup, il y a plus de liberté du son. C'est une façon de construire la musique qui est artificielle, on a décidé que le blues c'était ça, que le jazz c'était ça, que le rock se jouait comme ça, avec certaines règles, et du coup, les sons ne sont plus libres. Le musicien peut être libre parce qu'il a cette technique en lui qui lui permet de jouer des choses comme ça, c'est cet apprentissage de la musique, quelque chose qu'il a, mais du coup, ça lui, il peut se sentir libre avec son bagage de faire librement, enfin de faire facilement quelque chose, alors que du coup, voilà, bon, pour moi, certaines formes d'impro, certaines manières d'improviser que j'appelle l'impro libre, ben c'est plutôt laisser les sons libres. Donc du coup, l'instrumentiste n'est plus libre du tout. Voilà. Peut-être qu'on peut enchaîner sur le texte de l'abécédaire de l'équanine. Si tu penses que c'est approprié, allons-y, Charlène. Ben, donc depuis le début de cette émission, y a un texte par lettre qui est dit. Nous en sommes à la lettre C. C'est ça. Et la lettre C, l'équanine part de contrainte. Voilà. Il a choisi ce mot-là. Et donc je pense que c'est un petit peu... Donc je vais vous lire ce texte. Je n'ai jamais compris le goût de certains improvisateurs pour les contraintes. Ces contraintes qui, au bout du compte, m'apparaissent toujours comme issues d'une volonté formelle, d'une insatisfaction envers un résultat à atteindre. Je peux concevoir certaines contraintes comme des exercices, des processus qui vont interroger des aspects particuliers du travail artistique, une façon de faire ses gammes, mais en aucun cas comme proposition artistique en soi. Parce qu'on transporte déjà et malgré soi tout un faisceau de contraintes comme par exemple son état mental, psychologique et physique, son corps avec son poids, sa hauteur, ses mensurations, ses habitudes, sa culture, ses obsessions, etc. Pourquoi vouloir en ajouter ? Pourquoi faire si peu confiance dans les capacités de chacun à prendre appui sur ses propres contraintes ontologiques et tenter d'en faire un langage dont le vocabulaire sera singulier, forcément singulier ? Il y a peut-être dans cette tentation de vouloir se contraindre la volonté d'un consensus autour de la contrainte elle-même. Consensus qui amènerait à la satisfaction d'en avoir seulement suivi les indications. Je vois dans cette satisfaction un manque d'imagination poétique, une volonté de resserrer sa pratique artistique à une étude d'objet plutôt qu'une étude de soi, ou bien plus qu'une étude, une chance de se réaliser. Le goût pour les contraintes m'apparaît comme le symptôme d'un évitement de soi, d'une peur de soi. Mais dois-je prendre pour contrainte le contexte lui-même, par exemple le volume de la pièce, voire son orientation, son acoustique, la densité de son sol et de ses murs, sa situation acoustique et les bruits qui la traversent, le poids de chacun, les distances entre tous, l'intensité de la lumière, les éventuels courants d'air et tant d'autres choses qui sont là et que je peux avoir loisir de visiter. Il s'agit d'une contrainte ou d'un ensemble de contraintes, si je pense qu'elles vont aller comme moi, qu'elles vont aller contre moi, contre mon matériau. Mais si je me déplace au point d'équilibre, toujours mouvant, entre mon matériau et le contexte, ce dernier devient matériau. Ce avec quoi j'agis, ce qui m'agit, ce que j'apporte de mes désirs et de mes intuitions se transforme à son contact. Je découvre que le plus précieux de mon intention change parce que je me trouve quelque part qui n'est pas l'absolu d'un lieu idéal. Je dois abandonner l'illusion de ce lieu idéal. Il n'a jamais existé. Mmh. Voilà. Alors, je pense qu'on peut enchaîner avec un petit morceau qui illustrerait. Est-ce que tu as quelque chose sous le coude de... Qui illustrerait, pas spécialement, mais peut-être qui se rapproche le plus. On va peut-être essayer le. Blizzard, le morceau. Blizzard. C'est un nouveau duo que j'ai avec Mathias Pontevier à la batterie et moi au synthé modulaire. Et voilà, on a fait cet enregistrement, on a fait une petite tournée au Pays Basque, qui était bien sympa. On a tout enregistré, on a bien aimé ça. Et puis du coup, on a sorti un truc il y a pas longtemps, on se met sur Bandcamp, voilà. Et puis voilà, on peut écouter ce truc-là. Donc là, c'est un enregistrement qui a été fait live à Bilbao, c'est ça? Ouais. Ok. Super, ben j'envoie ça. Thank you. Vous êtes sur France Impro. Vous êtes toujours sur FMR 89.1, votre radio n'est pas cassée. Nous venons d'entendre un duo qui s'appelle Blitzar avec Eddy Boubacar qui est là. Alors Eddy, tu peux nous redire qui est Blitzar ? Alors Blitzar, c'est un duo avec moi, donc, comme tu l'as dit, au synthé modulaire, et avec Mathias Montevia à la batterie. Donc le synthé modulaire, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Le synthé modulaire, c'est une formidable machine à son. Je parlais du son libre tout à l'heure, ben avec ça, voilà, il n'y a pas mieux. Voilà. Alors, c'est un instrument qui est extrêmement exotique pour les gens qui ne connaissent pas, alors rien que visuellement. Ça ressemble plus à un vieux standard téléphonique des années 50, etc., qu'à un instrument de musique, en fait. C'est des câbles partout, des boutons partout, et il n'y a pas de clavier. Enfin, on peut en mettre, mais moi, je n'en mets pas. Il n'y a pas de clavier, il n'y a que des boutons et des câbles. Voilà. Et effectivement, quelqu'un qui joue du synthé modulaire, ça ressemble à un opérateur des années 50 voilà. qui débranche et qui branche des fils sans cesse. Voilà. Alors, j'ai entendu de très jolies choses à l'antenne, enfin justement hors antenne pendant qu'on écoutait le duo Blitzar. Notamment Charlène, tu voulais rebondir ? Moi, oui, je voulais rebondir. Alors attendez, je rebondis. hop. Non, on parlait d'improvisation, de qu'est-ce que on reparlait de l'improvisation libre finalement de ce que ça a amené. Et puis je rebondissais sur la question du formel et que c'est toujours difficile, moi, improvisant et étant un petit peu novice finalement sur ce côté informel et sur l'improvisation avec la liberté des sons plutôt que dans une réflexion sur la forme. Et je trouvais ça assez magique et à la fois difficile, justement, d'être libre dans sa tête et d'être dans le moment présent uniquement quand on commence une improvisation, et donc d'être dans cette confiance, extrême confiance envers ce qui va se passer là. Et que le premier son pouvait être, l'équanine, il en a parlé, et je suis assez d'accord sur ce premier son qui va être un appui à la suite de l'improvisation, à la suite de l'histoire qu'on va faire ensemble. Et voilà, du coup, on parlait de ça. Mmh. Et en tout cas, cette musique avec Mathias Pontevia et Eddy Boubacar, c'est vrai qu'elle est belle pour ça, elle a un côté libre qu'on ressent énormément. Voilà. Peut-être que vous jouez bientôt ? Non. Non. Ah, rien dommage. Rien de prévu. Où sont les programmateurs qui vont jouer ? On cherche des endroits pour jouer, mais pour l'instant, on ne trouve rien. Non, c'est parce qu'on ne vous entend pas assez à la radio. Ça doit être ça. Non, mais c'est tout neuf, quoi. Il faut que. Ouais. Voilà, c'est bien juste de sortir. Donc, d'accord. Il faut laisser un peu de temps. Ok. Très bien. Voilà. Alors, pour continuer, on peut parler un petit peu de notre projet, par exemple. Alors, on avait dit qu'on parlait peut-être du fil. On peut parler du fil, oui. Vas-y. Alors, il y a certaines personnes dans cette pièce qui font partie d'un orchestre. Si on compte bien, je pense qu'il y a 100% des... 100% des personnes qui sont dans la pièce. Du coup, l'orchestre, le fil. Je prends ma casquette animateur, je vais dire le fil, mais qu'est-ce que c'est, Eddy ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Le fil, c'est un grand orchestre à la base d'impro libre, parce que ça change, qui existe depuis 2 ans, surtout sur la région toulousaine, qui a été monté à l'initiative de Christine Vodraska et de moi-même, qui comporte actuellement 20-25 musiciens, qui a commencé à 40, donc il y a eu des purges un peu, parce que... Et voilà, donc la base, c'est de faire de l'impro libre à plein. Au départ, c'était ça. Et maintenant, on rentre de plus en plus de pièces, ce qu'on appelle des pièces ouvertes. C'est de l'écriture qui peut aller de un mot à un dessin ou à des choses plus écrites avec des partitions, un peu, avec quelquefois un peu des notes ou des trucs comme ça. Quelquefois un peu des notes. J'ai... Un peu des notes. Ah, tu les as vues, toi, les notes pas vu. T'as pas vu la partition de l'instant. Non, oui, effectivement, dans ma partition... Moi, il faut que je fasse un mi à un moment donné. C'est quand même... Voilà. Il y a écrit mi sur une feuille. Hein. Oui, sur une portée, il y a écrit un mi. Sur une portée. Ah, non, c'est pas rien. Oh là là là. Oui, c'est contrainte. Ah ouais, c'est fou. Donc voilà, on passait de l'impro libre à un mi. Mais d'aucuns diront que la contrainte n'empêche pas la liberté et qu'on peut quand même parler d'improvisation libre dans ce cadre-là. Oui, oui. Ou bon, alors, il faut qu'on change de nom. Très long, on peut en discuter très longtemps. On peut en discuter très longtemps, c'est certain. Mais bon, on peut ne jamais être d'accord les uns avec les autres. Donc, tant qu'on arrive à faire la musique ensemble, il n'y a que ça qui voilà, c'est une très belle conclusion. Et heureusement, on arrive quand même à faire de la musique ensemble. C'est vrai qu'on a eu des très bons moments récemment, là. Voilà. Alors c'est dommage parce que le fil n'a jamais enregistré, donc on ne pourra pas faire passer un morceau du fil. C'est vrai, je n'ai pas pensé à amener un morceau du fil, parce qu'on n'a pas d'enregistrement officiel. Mais en fait l'idée c'est comme ça, les gens ils sont obligés de venir voir le concert le 5 février. Et voilà, parce que Charlène vient de dire, le 5 février à la Fabrique à 20h, il y a un concert du fil. Voilà, alors la Fabrique, vous savez tous ce que c'est bien sûr. C'est ce lieu qui se trouve à l'entrée de l'université du Mirail. Voilà, donc juste à la sortie du métro, vous allez à l'université et vous tombez sur la Fabrique juste à gauche. Alors la Fabrique, le 5 février à 20h, ce sera le fil. Le fil, ça veut dire quoi, le fil ? Fabrique d'improvisation libre. Voilà, voilà. Tout est là. Tout est dit. Ok, alors on continue avec un autre projet, un autre morceau ? Moi, ouais, j'aimerais bien faire écouter un bout d'un truc qui sort là, qui est sorti hier. Alors, on est vraiment dans l'actualité. On est vraiment. Encore, hein. Ouais. Ah oui, non, mais c'est que, voilà, ça tombe bien parce qu'il y a plein de choses qui se tombent. Donc, je dois en parler un petit peu avant parce que ce que vous allez écouter, c'est spécial. En fait, il s'agit d'une drogue sonore. D'accord. Voilà. Mais, donc j'ai. Et on donne ça aux auditeurs. Ouais. T'es sûr que ça va ? Ouais, ouais, non, mais en fait, faut que j'explique ça. En fait, c'est la bande son d'un court métrage qui s'appelle Dose, qui a été fait par Louise Payette, Louise Bruyère, pardon, Louise Payette, c'est son surnom. Et donc, c'est dans ce court métrage, ça se passe dans un futur post-apocalyptique et dans lequel les gens prennent de la drogue sonore. Donc voilà, ils achètent de la drogue, ils foutent un casque et puis ils se shootent avec ça. Et moi, j'étais censé faire la drogue sonore. D'accord. Donc j'ai fait la drogue sonore. Ça sera... Le film n'est pas encore sorti, mais je sais pas, ce sera l'année prochaine, je ne sais pas exactement quand. Il y a eu une première à l'ESSAV au mois de novembre et ce n'était pas le mixage final, enfin, ce n'était pas la version finale. Mais voilà. Et donc là, on va écouter, je sais plus lequel, mais un morceau. On va pas tout mettre, on va pas tout laisser parce que c'est peut-être un peu dur d'écouter ça à la radio. En fait, l'idéal, ce serait de c'est sorti en cassette. Ah oui, bien sûr. C'est sorti en cassette sur le label Stromoxine Records. C'est un label toulousain qui fait qui ne fait que des sorties cassettes et qui fait des trucs très divers et variés, qui vont de la drogue sonore, une espèce de pop déjanté, ou folk sous acide, ou voilà, des trucs très, très, très, très étranges. C'est un très chouette label. Le gars, d'accord. Nicolas, qui tient ce label, est un très chouette gars aussi. Donc, alors, voilà. Redis le nom du label pour que alors, c'est éditeurs... Stromoxine. Alors, je sais plus, est-ce que c'est Stomoxine ou Stromoxine ? J'ai un doute. Stomoxine ou Stromoxine ? Enfin, soit l'un, soit l'autre, vous cherchez sur Internet, vous tombez voilà. Là-dessus. Quoi. Et donc là, on va écouter un extrait d'un truc qui s'appelle Dose. Quoi. Voilà, c'est... Ok, donc c'est là, j'ai le fichier Vortex, c'est ça ? Non, Dose. C'est pas Vortex. Il doit y être. Dose, attendez. Ah oui, non, solo Dose, oui, pardon. Voilà. C'est celui-là. Ok, très bien, j'envoie. Ah oui, je peux dire un truc ? Normalement, ça s'écoute au casque, un bon volume, ça bien calme, c'est soi. Pour que l'effet soit maximal. Voilà, pour que l'effet soit maximal. Après, si vous écoutez ça, par exemple, dans votre voiture, là, ça va faire bizarre. Quoi. Mais voilà, c'est fait pour. C'est vraiment... Enfin, quand j'ai conçu ce truc-là, j'ai vraiment fait comme si j'essayais de faire une drogue sonore. Quoi. C'est pas de la musique, c'est... Je me suis renseigné sur Internet pour certaines fréquences par rapport aux inter. Il y a des trucs qui existent déjà de drogue sonore sur Internet. On peut trouver. Et enfin, on voilà. Trouve tout sur Internet. Ouais, ouais, mais bon, après, j'étais pas très satisfait du truc. Mais bon, c'est pas vraiment une drogue sonore. Ça va pas vous envoyer. Voilà. Faut pas rêver non plus. Hein. J'ai jamais écouté de quelque chose qui se disait drogue sonore et qui fonctionnait vraiment en tant que tel. Donc moi, ouais, mais j'ai quand même cherché des trucs. J'en ai inventé. Il y a un peu je pourrais peut-être en expliquer un peu après, mais il y a un fantasme de science-fiction sur une espèce de son qui s'adresserait à une espèce de langage primaire du cerveau. Enfin voilà. Bon, bref, le mieux c'est d'écouter et après peut-être. C'est parti. sonore par Eddie Boubacar. Alors, si ça vous a fait de l'effet et que ça a créé une dépendance... C'est très bien, parce que le mec du label sera content. Ouais. Et donc, écrivez à l'émission France Impro à Radio FMR 89.1 pour nous contacter et avoir une autre dose. On vous fera un prix. Voilà. Donc, avec quoi on enchaîne, là, les amis? Je sais pas. Ah, je veux juste dire un petit truc là. C'était voilà, ça c'est assez, c'est un projet. Enfin, c'est un truc que je fais, que j'ai fait comme ça, one shot. C'est pas, je fais pas ce genre de truc généralement. C'était juste pour faire plaisir à Louise. Super. Voilà. Nous aussi, ça va. On s'en mais je me suis bien éclaté à faire ça. D'accord. En tout cas, quand ça sortira. Alors, je sais pas comment ça va sortir. C'est ah ben, c'est sorti en cassette. Ah oui, la musique. Voilà. Et le film l'année prochaine. Ah, le film, oui, le film, ben, je ne sais pas trop quand. Ben après, fait. Évidemment, ouais. Pour un film, on le prépare et puis après, on en fait ce qu'on peut. Quoi. On l'envoie à des festivals. Ouais. C'est... Oui, voilà, c'est le ça. Le nom du film. Dose, ok. Donc, si vous croisez ce film, surtout n'hésitez pas à aller le voir. Ce sera l'année prochaine. Et on peut enchaîner aussi sur mercredi, je crois qu'il se passe quelque chose. Il y a un vernissage. Mercredi, il y a un vernissage. De tes dessins? Ah non, c'est... Oh non, ça c'est en janvier. C'est en janvier, ah, ouais, d'accord. Mais c'est une super transition, Charlotte. Nous allons parler de l'agenda. Donc, allons-y. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour le mois à venir? Moi, je peux dire qu'il y a un truc, le 18, à la Fabrique. Il y a un projet avec... un quintet avec trois trompettes, une basse et une batterie. Donc c'est que des copains, donc c'est pour ça qu'on parle. donc ça, le projet, ça, il y a un nom, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. L'ensemble of quelque chose, avec Famoudou Don Moye, qui est le batteur de l'Art Ensemble of Chicago. Donc Pierrot Pépin, qui est bien connu dans la région, Sébastien Sirotto, qui est aussi très bien connu dans la région. C'est deux trompettistes. Il y a Jean-Luc Capozzo aussi, qui est un trompettiste, un fameux trompettiste, et Benjamin Duboc, qui est contrebassiste, un contrebassiste parisien. Voilà, c'est un nouveau projet, ils sont en résidence en ce moment, et puis le 18 à la Fabrique, ils vont faire leur premier concert. C'est dans le cadre du Pavé, non? C'est ça. Je crois que c'est le Pavé qui. Ouais, c'est une coproduction Pavé avec d'autres choses. Voilà. D'accord, donc la Fabrique, un lieu incontournable, hein, voilà. Pour écouter, pour s'ouvrir les oreilles. Voilà, et donc ça va être effectivement très très bien, absolument inratable. Donc le 18 décembre à 20h à la Fabrique. Alors est-ce que... Allez, après moi, allez, c'est le moment, bon alors d'accord, j'en profite. Et nous on joue dimanche à Salvagnac, un petit village, je crois que c'est dans le Tarn. Alors, quand et tu dis nous... Nous, alors en fait, nous c'est un trio de jazz. Alors, on appelle ça du jazz climatique, qu'on s'appelle anticyclone. Voilà. Et du coup, ben, nous, c'est quand même pas mal d'improvisation formelle, on dira. Mais également de l'improvisation libre aussi. Et puis, poétique, en tout cas. Voilà, avec beaucoup de sensibilité, je pense. Du coup, c'est Frédéric Cavalin à la batterie, Marek Astanik au piano. Et donc moi, au saxophone. Et puis, la découverte de la voix aussi, un instrument incroyable. voilà, et du coup, on joue à partir de 19h, 19h à Salvagnac. Salvagnac, alors voilà. C'est où Salvagnac exactement? Salvagnac, c'est vers, c'est dans les coteaux, à côté de Rabastens, entre Rabastens et Saint-Sulpice, voilà, sur les coteaux. D'accord. Vers l'arrière, là. Et vous jouez à Salvagnac, dans un endroit particulier ou... Alors, c'est tellement petit, Salvagnac, voilà. Qu'à mon avis, tout le monde va trouver. D'accord. Donc, d'ailleurs, tout Salvagnac sera au concert ce exactement, soir, ouais. Et tout Toulouse, non? Et tout Toulouse. En tout cas, on va faire un effort. Hein. Là, on est en train de faire un effort. Hein. Bon, tout Toulouse super. À Salvagnac. Redis-nous la date. Eh bien, dimanche. Dimanche. Dimanche 14. À quelle heure? C'est à partir de 19h. Et donc, il n'y a pas d'horaire fixe. Ok. Voilà. C'est toute une journée, je crois. D'activité. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre événement sur le mois dont vous voulez parler? Je crois que sur le mois, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à dire. Sur le mois, c'est fini. Après, on passe à janvier. Alors, en janvier, je peux vous dire quelque chose tout de suite. C'est le 10 janvier à 10h. C'est le second samedi du mois. Et comme tous les seconds samedis du mois à 10h sur FMR 89.1, ce sera France Impro, l'émission que vous êtes en train d'écouter. Voilà. Alors, Eddy, on va repasser un morceau. Oui, on peut passer un morceau. On a le temps. On va prendre Vortex. Vortex, c'est un duo, c'est mon plus ancien duo d'impro avec Sébastien Sirotto. Donc au départ, c'était un duo saxophone-trompette. Et maintenant, c'est un duo synthé-trompette. Et là, ce qu'on va entendre, c'est un enregistrement studio, voilà, aussi. Une impro, libre. Et qui va sortir, on ne sait pas trop quand, mais qui va sortir en vinyle, un de ces quatre. Super. Ça sera plutôt 2015, voire même 2016. Si. Voilà. Et la sortie sera un peu spéciale parce qu'il y aura une face A avec ce genre d'enregistrement de trompette synthé. Et la face B a été remixée par un compositeur électroacoustique qui s'appelle Jean-Christophe Camps, qui fait partie du duo Christophe Carole. Donc voilà, il nous a fait un truc assez extraordinaire en face B. Et là, on écoute un morceau de la face A. Je ne me rappelle plus le nom. Le Grand Attracteur. Le Grand Attracteur, c'est le nom du disque. Ah, là, j'ai... celui d'après, Dance. Ah oui, Dance Contest. Dance Contest, voilà, Vortex, c'est... Sébastien Sirotto, Eddy Boubacar, c'est parti. Thank you. Voilà, c'était Vortex, un duo de Sébastien Sirotto à la trompette et Eddy Boubacar au synthé modulaire. Alors on parlait du travail de Sébastien Sirotto à la trompette parce que vous n'avez pas entendu beaucoup de sons de trompette, disons, traditionnels, hein, parce que Sébastien travaille à la, il appelle ça la trompette amplifiée, il y a des micros partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Et il est capable de faire entendre des très petites choses, très subtiles, et c'est un super musicien. Et si les auditeurs qui ont un peu de mémoire se rappellent que Sébastien Sirotto devait venir à France Impro il y a quelques semaines, et il ne s'est pas réveillé, mais ce n'est que partie remise. Très bientôt, nous vous proposons Sébastien Sirotto dans le studio. Alors Eddy, il ne nous reste pas très longtemps, alors on va être un peu ambitieux. On va parler d'un autre projet que tu as, que tu as accompli, c'est un projet de dessin. Oui. Mmh. Donc Charlène en a soufflé un mot tout à l'heure. Bah oui, on peut parler des dessins, parce que ça aussi c'est un peu de l'actualité pour moi, parce que j'ai un recueil de dessins qui va sortir... qui est sorti en fait quasiment, mais on va faire la sortie officielle le 7 janvier au Tchuss. Parce que c'est un bar qu'on aime bien, le Tchuss. Ouais, c'est un bar qu'on aime bien. Et donc pour voilà. Donc c'est le 7 janvier à 19h, je crois. Ouais, à 19h, à partir de 19h, quoi, voilà, il y aura une petite table avec l'éditeur qui va amener ses bouquins, plus le mien, et il y aura des dédicaces, etc. Il y aura une performance de Lucie Laric qui va faire des poèmes enviolonnés. Mmh. Voilà. Les poèmes enviolonnés, les fameux poèmes enviolonnés de Lucie Laric. D'ailleurs, elle a un site internet, si vous voulez écouter un peu ses poèmes. Ouais. Vous pouvez la trouver très facilement. Donc, c'est, juste peut-être, je dis un petit mot sur les dessins. Enfin, c'est j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, etc. Voilà. Puis quand j'ai fait de la musique, j'ai un peu laissé tomber. Je gribouillais dans les réunions, sur les bords de cahiers, etc. Mais j'avais un peu laissé tomber le dessin. Et puis j'ai eu un problème de santé il y a 3 ans qui m'a fait arrêter le sax, parce qu'avant je jouais du sax, avant je jouais de la basse et du synthé modulaire. Puis je me suis retrouvé à l'hosto et j'ai commencé à dessiner, voilà, parce qu'on a un peu rien d'autre à foutre à l'hosto. Et voilà, et donc j'ai fait, je me suis amusé à faire un portrait imaginaire par jour pendant 1 an. Et c'est ce qui va sortir en bouquin. Voilà, donc c'est vraiment des portraits, je me mets devant la feuille blanche, et c'est de l'impro, et j'invente un portrait, une gueule. Voilà, j'ai fait ça pendant 1 an, je m'y suis tenu, j'ai réussi, c'était pas évident. tous les jours, te dire « Oh putain, merde, aujourd'hui j'ai pas fait mon dessin, je suis crevé, je dois dormir. » Et hop, j'en fais un quand même. Et voilà, c'est ça. Okay. Le titre du livre, qu'est-ce que c'est déjà ? Il s'appelle « Uncanny Valley ». Ah oui. Alors, Uncanny Valley, tout le monde sait ce que c'est, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est pas la peine d'expliquer. Pas la peine d'expliquer. Sinon, vous cherchez sur Internet. Ouais. Alors, on approche de la fin de l'heure. Alors, on va passer un dernier petit morceau. Donc, qu'est-ce qui nous reste sous le coude ? C'est Wet. Wet, c'est un duo basse-batterie avec Frédéric Vaudot, qui est aussi bien connu sur Toulouse. Voilà. Et là, c'est aussi de l'impro. Mais là, on s'est mis une contrainte. Avec ce duo, vite, fort et dense, ça promet. Voilà. Ça promet. Et donc, on va se quitter avec Wet. Alors, juste un petit rappel, vous êtes sur France Impro, sur FMR. C'est peut-être pas le morceau le plus vite, le plus fort et le plus dense qu'on a, mais voilà. Ok. C'est ça, l'idée de départ de ce duo. C'est parti. Oui, donc je voulais juste dire que vous pouvez retrouver les archives de France Impro sur archive.org. Donc vous cherchez France Impro sur archive.org et vous trouverez toutes les émissions passées. C'est parti.